الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، avant de commencer les questions-réponses de Cheikh Obaid حفظه الله تعالى، je vais vous lire une réponse qu'avait faite Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali lors de la du séminaire du Dammam cette année pendant le mois de Sha'ban, en montrant la mauvaise position de certains qui sont allés à l'extrême en ce qui concerne Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Hafidhahullah Ta'ala, et aussi une deuxième réponse de Cheikh Abdallah Al-Bukhari qui nous montre la position de laxiste dans laquelle sont certains. فيقول السائل: بعض الشباب يحذر من بعض المشايخ من حضور دروسهم مثل الشيخ عبد المحسن العباد، ويقول عندهم غفلة عن معرفة الحزبيين. Et la question qui a été posée à Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali حفظه الله تعالى, il dit: certains jeunes avertissent contre eux et mettent des avertissements contre certains chouyoukh contre le fait d'assister au cours du Cheikh Abd al-Muhsin al-Abbad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Ils disent que certains chouyoukh ne savent pas les situations de certains activistes et de certains hizbi. Al-Jawab, baqiya safahun ba'da hada safah, Allahu al-musta'an. La réponse de Cheikh Mohamed bin Hadi al-Madkhali, est-ce qu'il y a une situation d'insensé après cette situation? Hein? Et nous cherchons aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله الشيخ عبد المحسن العباد من خيرة العلماء ومشهور وليس بحاجة إلى مثل يتكلم عنه، لكن نحسب الدفاع عنه. وإذا اجتهد الشيخ أو ما علم بعض الشيء عن بعض الحزبين ما ضره ذلك، فإنك إذا رفعت أمرهم إليه وشرحته له أعطاك الحكم الشرعي فيه، لكن أنت إذا عرفت بعض ما عند الحزبيين وأنت لا تعرف الحكم الشرعي فيه، ما معرفة هذا؟ ما قيمة هذا؟ الشيخ عالم جليل، ومثل هذا الكلام يدل على انحراف من يقوله ويدعو إليه، نعوذ بالله من ذلك. الشيخ محمد بن هادي المدخلي دو دير الشيخ عبد المحسن العباد في partie des meilleurs hommes de science. Il est connu. Il a pas besoin que quelqu'un comme moi parle de lui ou le fasse connaître. Mais le fait d'en parler, j'attends la récompense min Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de le défendre, j'attends la récompense min Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il fait des efforts où il n'a pas su certaines choses de certains activistes. Ceci ne le gêne en rien, le fait aucun mal, ne diminue pas de sa valeur. Car si tu ramènes la situation de ces hizbi à Cheikh et tu lui expliques leur situation, il va te donner la sentence législative qui correspond à leur situation. Mais toi, si tu connais ce qu'ils ont, ces activistes, ces hizbi, et tu ne connais pas la sentence de la législation, à quoi ça te sert cette connaissance? À quoi ça te sert? Quelle valeur il a ta connaissance? Et il dit, Cheikh, c'est-à-dire Cheikh Abd Mohsin Al-Abbad, est un noble homme de science. Et ce genre de paroles et ce genre de choses qui se propagent prouvent la déviance de celui qui le dit et qui appelle vers cette voie-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. والسؤال الثاني هذا تجاه الغلاة. Cette réponse concerne ceux qui vont à l'extrême. Maintenant, la question qui concerne les laxistes et la réponse, il est Cheikh Abdallah al-Bukhari hafidhahullah ta'ala. يقول السائل: يا شيخ، عندنا في العراق ويشغبون على قواعد الجرح والتعديل، ويقولون أن علم الجرح والتعديل من باب الاجتهاد وليس باب الأخطاء. نريد التفصيل في هذا الكلام. La question qui est arrivée à Cheikh Abdallah Ta'ala, c'est lors de la rencontre du frère irakien. Celui qui a posé la question, il dit: oh Cheikh, nous avons en Irak des gens qui ramènent des perturbations autour des règles de la réfutation. Ils disent que la science de la réfutation et de l'éloge, c'est un chapitre qui est du domaine de l'effort d'interprétation. Il ne concerne pas les erreurs. Nous voulons le détail à ce niveau-là. يقول حفظه الله: والله هذه المسألة تكلمنا حولها وعليها كثيرا في دروسنا في شرحنا لكتاب الضوابط للجرح والتعديل، ولعله كان درسا مطولا حول الرد على مثل هذه الشبه. Il dit حفظه الله تعالى: la réponse est que par Allah, ce sujet nous avons parlé de ce sujet lors de nos cours que nous avons fait dans l'interprétation du livre « Les règles de la réfutation et de l'éloge ». Et peut-être ça a été un cours très long pour réfuter à ce genre d'ambiguïté. يقول: وأنا أسأل هل المتكلمون في هذه المسائل أهل لهذا الكلام أو في هذا الكلام. Il dit maintenant: moi je pose la question, ceux qui parlent ainsi, hein, est-ce qu'ils sont dignes de ce sujet ou là ils ne sont pas dignes de ce sujet? Est-ce qu'ils font partie des gens de la spécialité ou là ils ne font pas partie? هل هم من أهل الفن حتى يتكلموا. Est-ce qu'ils font partie des gens de la spécialité pour parler? يقول حفظه الله: من ليس من أهل الفن وليس من أهل العلم به فنقول له كما في مثل في المثل العربي الشهير المشهور: ما هذا بعشك فضرجي. Et il dit: quant à ceux, s'ils ne sont pas, s'ils ne font pas partie des gens de la spécialité, ils ne font pas partie des hommes qui connaissent et qui savent cette spécialité, nous leur disons, comme dit l'adage arabe réputé: ça, ce n'est pas ton nid, tu dois sortir, tu dois partir. Taniyan, in kana min ahli hada al-fan, wa a'rifu hada al-fan, fa ma adhunnuha yaqulu hada al-kalam yushaghiba ala ahli al-haqq bih. لأن علم الجرح والتعديل هو سيف مسلط على رقاب المخالفين وهو من سيوف الإسلام. Deuxièmement, s'il fait partie des gens de la spécialité, je ne crois pas quand il dit cette parole, il l'a dit pour perturber les gens de la vérité ou quoi que ce soit. Car la science de la réfutation et de l'éloge est un épée qui est pointée sur le cou de ceux qui sont en divergence. Il fait partie des épées de l'islam. يقول أقول هو من سيوف الإسلام بيان المخطئ من المصيب. نعم، الثقة من غيره، السني من الخلفي، ولذلك هذا يقض مضاجع القوم لما في ذلك من تمييز أهل الحق من أهل الباطل والمخطئ من المصيب لا غير ذلك. Il dit حفظه الله تعالى: certes, la science de la réfutation de l'éloge est un des épées de l'islam. Montrer celui qui est dans l'erreur et qui est dans le vrai. Certes, montrer celui qui est digne de confiance et celui qui ne l'est pas, montrer le sunni ici le contraire de celui qui n'est pas sunni. Et dit: et cette science-là, enlève le sommeil à ces gens-là, enlève leur sommeil, et fait que ça les dérange, cette science, ça les dérange. Le fait qu'on arrive à faire la part des choses entre la vérité et le faux, le fait de savoir qui est dans le vrai, qui est dans le faux, tout ceci les dérange. يقول: فنحن وإن قلنا ابتداء نعم هو قائم على الاجتهاد، لكن ماذا يريدون؟ هل يريدون بهذا رد هذا الباب، دفع نتائج هذا الباب الصحيحة، ردا يكون هذا العلم سيفا مسلطا على رقاب أهل الأهواء؟ Il dit حفظه الله تعالى: et nous si on disons au départ que certes cette science est basée sur le fer d'interprétation, qu'est-ce qu'ils veulent avec ceci? Est-ce qu'ils veulent rejeter ce qui concerne ce chapitre? Est-ce qu'ils veulent rejeter les résultats émanant de ce chapitre, les résultats authentiques et corrects émanant de ce chapitre? Est-ce qu'ils veulent rejeter cette science qui est une épée et une arme contre les gens de l'innovation? Ça, c'est la réplique qui est faite à ceux, ou laxistes, à ceux qui disent, que cette science est une science, qui est du domaine de l'effort d'interprétation. Et ceci, c'est une parole que l'on entend beaucoup chez les ministres de France, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et avant de terminer cette introduction, on la termine avec cette parole de son éminence, Mohammed ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, à cette grande montagne de science. Yaqul, wasma'u, wa'u ra'a'akum Allah. Lakin huna, ha'huna mas'ala. Wa huwa anna ba'dan nas, yukhaddilu ahl al-ilm fi bayan al-haq. Fayaqulu matalan, limada tubayinu hadha lil-nas? لأن الناس لا يستفيدون وما أشبه ذلك وهذا حرام ولا يجوز لأحد أن يقول هذا الكلام لأن هذا هو التخديل عن الحق والعلماء إذا بينوا الحق لو لم يكن من ذلك إلا أن الناس يعرفون أنهم على باطل سواء انتفع أم لم ينتفع هذا أعظم منفعة لأن العلماء إذا سكتوا عما كان عليه الناس من مخالفة الحق ظن الناس أن هذا صواب وأنه الحق فيستمرون عليه ويستمرئون ولكنهم إذا رأوا الإنكار عرفوا أنهم ليسوا على حق ولو لم يكن من ذلك إلا هذه الفائدة لكان كافيا فلا تستهن ببيان الحق أبدا Et son éminence, Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il dit, comme il a été posté ces deux derniers jours sur Sahab, mais là, il y a un point important, c'est que certaines personnes veulent induire en erreur, dire le mukhaddil, celui que tu crois, qu'il est avec toi sur la même voie, mais en réalité, il veut te sortir de la voie. Il dit, certaines personnes veulent te sortir de la voie et veulent détourner les hommes de science du fait de montrer la vérité et d'éclairer sur la vérité. Il dit, quand quelqu'un montre la vérité aux gens, ils disent, qu'est-ce qu'ils vont retenir les gens de tout ceci? Et cher de nous dire ceci, est-il licite que quelqu'un parle ainsi et dit ce genre de paroles? Car ça, c'est du tardif. C'est vouloir que les hommes de science ne montrent pas la vérité, n'éclairent pas les gens sur la vérité. Ici, il y a dans cet éclaircissement tout simplement que les gens sachent que celui-là est sur le faux, que les gens aient profité ou ils n'ont pas profité. Ça, c'est déjà un grand profit, le fait que les gens sachent que ça, c'est une erreur. Car si les hommes de science se taisent sur la situation, et sur les divergences, et sur le faux sur lequel sont les gens vont croire que le faux sur lequel sont certains, que c'est juste, que c'est vrai. Et ils vont continuer à l'appliquer, et à l'accepter, et à le trouver normal. Mais s'ils trouvent quelqu'un qui refute, ils vont savoir que ceci, ce n'est pas la vérité. Et ceci est suffisant. Et donc, ne néglige pas le fait d'éclairer sur la vérité. Jamais tu dois les négliger. الآن مع السؤال الرابع من الأسئلة المنهجية التي وجهت للشيخ عبيد حفظه الله تعالى سبحان النبي بحمده والملائكة وخيفته Et avec la quatrième question qui a été posée à Cheikh Ubayd, حفظه الله تعالى au niveau du منهج. يقول السائل أحسن الله إليكم وبارك فيكم سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ كثر في الآونة الأخيرة الاشتغال بأشرطة وكتب الردود مع إهمال لطلب العلم وإذا قام أحد بتوجيه الشباب وحثهم على طلب العلم يمكن أن يصنف من أتباع فلان أو علان فما هو الضابط في ذلك وما توجيهكم في التعامل مع هؤلاء الشباب في هذه المسألة مع نصيحة عامة للشباب في طلب العلم La quatrième question commence ainsi. Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Une question est arrivée de quelqu'un qui dit que ces derniers temps, des gens se préoccupent plus avec les cassettes et les livres, des répliques en délaissant, en négligeant la science. Et si quelqu'un se lève pour orienter les jeunes et pour les inciter à la demande de la science, on va le cataloguer comme quoi il suit tel ou il suit tel. C'est quoi la règle dans tout ça? C'est quoi? Comment vous orienter? Comment on doit se comporter avec ces jeunes au niveau de ce sujet? De ce sujet-là, c'est-à-dire de la réfutation de l'éloge. Et c'est quoi le conseil que vous donnez en général aux jeunes en ce qui concerne la demande de science? يقول حفظه الله قدمت لكم بارك الله فيكم ما يغني عن بعض ما جاء في هذا السؤال وعرفتم ما نصحتكم به من الكتب وما حذرتكم منه وعرفت لكم فيما قدمته لكم حد العلم الشرعي. Il dit, auparavant, que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Je vous ai détaillé certaines choses, ce qui est d'un détail suffisant même pour cette question. Et vous avez su les conseils que je vous ai donnés, les livres que je vous ai conseillés, les choses dont je vous ai averti. Et je vous ai fait connaître la limite. C'est quoi la limite de la législation, de la science de la législation? والذي أزيد هنا أقول الردود باب من أبواب الدعوة فيها نشر للسنة ودفع للبدعة وصيانة لأهل السنة من خطر المبتدعة. Il dit حفظه الله تعالى. Et ce que je vais vous rajouter ici, c'est que les répliques, les réfutations, c'est un des chapitres de la da'wa avec lequel se propage la sunna et avec lequel se fait repousser l'innovation et avec lequel on protège les gens de la sunna des dangers des innovateurs. Nous devons bien comprendre ceci. Cette phrase-là, on doit bien la digérer. Que la réfutation est un moyen de repousser l'innovation et de protéger les gens de la sunna du danger des innovateurs. يقول حفظه الله ولا أعرف عالم أهل السنة فضلا عن الأئمة ينهى عن الردود أبدا لا ينهون عنها نهيا مطلقا بل ينهون نهيا مقيدا فإذا رأى العالم تلامذته أو أهل بلده تركوا الفقه في العقيدة والعبادة والمعاملة وانصرفوا إلى الردود فإنه يحذرهم ويقول لا تنشغلوا بالردود يعني لا تجعلوا شغلكم الشاغل فهو يريد أمرين يعني هذا العالم السني وكذلك الإمام من باب أولى يريد من تلامذته ومحبيه من أهل بلده وغيرهم والذين جمعت بينه وبينهم السنة والمحبة في ذات الله تحاب في ذات الله يريد منهم أمرين إيه الذي حفظه الله تعالى إيه je ne connais pas un nom de science de la sunna et encore moins un des imams de la sunna qui va interdire au sens large du terme, comme ça, les réfutations. Mais l'interdiction, elle est conditionnée. Quand l'homme de science voit que ses élèves ou les gens de son pays délaissent la jurisprudence, délaissent la compréhension de l'aqida, délaissent la jurisprudence au niveau des adorations, ou au niveau de leurs actes avec autrui, etc., et qu'ils se penchent directement sur les répliques, dans ces cas-là, il les avertit. Il leur dit, ne vous préoccupez pas des réfutations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ne faites pas que la réfutation soit votre préoccupation principale. Il veut de deux choses, cet homme de science, et cet imam. Il veut de deux choses, cet homme de science de la sunna. Et hein, il veut de ses élèves, et de ceux qu'il aime, et des gens de son pays avec lesquels il est uni dans la sunna et par la sunna. Et il est uni avec eux. Donc, l'amour d'Allah, il veut de deux choses. Et frère en Allah, Azza wa Jal, cette introduction-là, laquelle c'est sur celle-là que tu dois porter et comprendre ce que propagent certaines personnes, que Cheikh Al-Fawzan, il a interdit de se préoccuper de la réfutation, ainsi que le mufti. Tu dois la comprendre dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce n'est pas, ils interdisent pas au sens large du terme, mais ils interdisent quand ils voient que certaines personnes, leur préoccupation, c'est que ça. Donc, ils les remettent sur les rails et qu'ils doivent aussi, à côté de ça, s'occuper de l'apprentissage de la science. Faire pour le cheikh, yuridu minhum amrayn, l'amr al-awwal, at-tahsil al-ilmi, فأنت إذا نظرت في الأئمة الذين حذروا من البدع وأهلها وفندوا شبه المبطلين وصانوا هذا الدين عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وجدتهم يتكلمون بعلم لا بعاطفة وكذلك من ورثهم من أبنائهم وأحفادهم وإخوانهم على نفس النهج وذلك حرصا على تحقيق ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بل أخبر به من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Et il dit, l'homme de science, quand il avertit ses élèves, issus de son pays, et ceux qu'il aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec lesquels il est uni dans la sunna, il veut de deux choses. La première, c'est qu'ils aient un bagage scientifique qu'ils maîtrisent beaucoup et qu'ils apprennent beaucoup. Car il dit, quand tu vois chez les grands imams, quand ils avertissent contre les innovations et contre les gens de l'innovation et quand ils anéantissent les ambiguïtés de ces faussaires, ils ont tout simplement protégé la religion pour que la déviance et pour qu'il ne soit pas falsifié et que ne s'immisce pas l'interprétation des ignorants. Et tu les trouves qu'ils parlent avec science et non pas avec sentiment. Il en est de même de ceux qui les ont hérités parmi leurs enfants ou parmi leurs petits-enfants, parmi leurs frères qui sont sur la même voie qu'eux. Et tout ceci pour accomplir, ils tiennent à accomplir hein, la chose à laquelle Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la science de la religion. Yaqulu hafidhahullah, qala ahlul ilm, wa man la yurid Allah bi khayr la yufaqihu fi ad-din, hada mafhum al-hadith wa hada sahih. Il dit hafidhahullah ta'ala, les hommes de science ont dit, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du bien, il lui donne pas la compréhension de la religion. Il dit c'est ça l'interprétation du hadith et ceci est authentique. يقول والأمر الثاني أن يخذوا من الردود بقدر فقط بحيث لا تشغلهم عن العلم فأنتم تعلمون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم يلدي حفظه الله تعالى le deuxième point c'est que ils doivent prendre des réputations, hein, ce qu'ils ont besoin. Et les réputations ne doivent pas les préoccuper du fait d'apprendre, d'acquérir la science. Il dit, vous savez, que les prophètes, alayhi salatu wassalam, n'ont pas laissé en héritage un sou, ni un dirham, mais ils ont laissé en héritage la science. Et celui qui l'apprend, il a pris la plus grande part du bien, et ça c'est le conseil de notre prophète عليه الصلاة والسلام. يقول حفظه الله وعلى هذا فإن من يتناول الردود ويطالعونها أصناف. Il dit partant de là, ceux qui lisent les réplications et les réfutations sont des catégories. صنف عنده القدرة على الجمع بينها وبين مسائل العلم. فهذا لا يرد، هذا يؤيد ويبارك له صنيعه. ويشد أزره ما دام عنده قدرة على تحصيل المسائل العلمية دقيقها وجليلها وصغيرها وكبيرها فهذا لا يثنى ولا يجوز أن يثنى ما دام أنه لم يهمل الجانب العلمي التحصيل العلمي. Il dit la première catégorie, Allah subhanahu wa ta'ala, que nous soyons dans cette catégorie-là. Il a la capacité de réunir entre la science, l'apprentissage de la science et aussi la réfutation. Il dit celui-là, on doit l'aider, on ne doit pas l'en empêcher, on doit l'aider, on doit bénir ce qu'il fait, on doit être de son côté. Du moment qu'il a la capacité pour avoir la science, hein, dans sa profondeur, les grands sujets et les petits sujets, celui-là, on doit l'encourager. Du moment qu'il ne néglige pas le côté scientifique et qu'il ne néglige pas l'apprentissage de la science. الصنف الثاني من لا يحصل المسائل العلمية بل مطالعة ما يجري في الساحة وفلان قال وفلان قال فهذا الذي يشدد عليه لا من باب أنه ركب بدعة ولكن من باب مصلحته هو فيقول له أنت أهملت أمرا كبير أكبر من هذا إيه يلدي حفظه الله تعالى إن دوزيام كاتيغوري إنه كان سوسي إنه با لو سوسي دابروندر لا سيونس مي tout simplement, ils veulent savoir ce qui est sur le terrain. Hein? Foula, il a dit, tel il a dit, tel il a dit, celui-là, il faut être sévère avec lui. Pas parce qu'il est tombé dans l'innovation, pour le conseiller, pour son intérêt. Car on lui dira, tu as négligé une chose plus importante. Et c'est sur ça, frère Allah, j'ouvre la parenthèse, c'est sur ça qu'il faut porter la parole de science comme Cheikh Fawzan ou le Mufti quand ils disent ne vous préoccupez pas des réfutations. Il adresse ce genre de parole à ceux qui n'ont aucun souci de la science et qui veulent tout simplement savoir ce qui est sur le terrain. يقول حفظه الله فإذا ذهب العلماء الذين دفع الله بهم البدع وأهلها وكانوا جبالا من يرثهم إذا لم يكن لدينا علم هل يرثهم الجهال يا أبنائي هل يصح الجهال بعدهم لرئاسة الناس وقيادة الناس وهداية الناس أبدا هؤلاء يضلون ويضلون فمن هذه الناحية يشدد على أخينا هذا ويقال له اتق الله أنت جعلت وقتك كله أو جله في هذه الردود، وكان يكفيك أن تعلم بأن الإمام فلان أو العالم فلان رد على فلان من الناس وكشف عن حاله وهتك ستره لما هو راكب إياه من البدعة والضلال، يكفيك هذا. Il dit, حفظه الله تعالى, quand les hommes de science vont disparaître, ceux par l'intermédiaire de lequel Allah subhanahu wa ta'ala a fait repousser l'innovation et les gens de l'innovation, ceux qui étaient des montagnes, qui va les hériter si nous n'avons pas de science, si nous ne nous apprenons pas? Est-ce que ce sont les ignorants, mes enfants, qui vont les hériter? Est-ce que les ignorants sont dignes d'être au devant de la scène et pour guider les gens et pour prendre les rangs, les rênes et orienter les gens? Jamais de la vie, ceux-là vont s'égarer, ils vont égarer. Donc de ce côté-là, nous devons être sévères avec notre frère. Regarde ici, la parole du Cheikh Obeid rejoint celle du Cheikh Fawzan. C'est-à-dire que celui qui, son souci, c'est tout simplement sa préoccupation principale, c'est tout simplement la réputation, il faut être sévère avec lui. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est tombé dans une innovation, non. Pour le conseiller, pour qu'il revienne, parce qu'il a négligé quelque chose de très important. Et cher de dire, il faut. Et là, tu vois que la parole de Cheikh Fawzan va rejoindre celle de Cheikh Obeid, parce que ce sont deux hommes de science dignes du nom. Ils savent où est l'intérêt de la communauté, ils savent où est l'intérêt de cette jeunesse. Et Cheikh Obeid de dire, et il est dit à celui-là, crains Allah, préserve les droits d'Allah, tu as fait que ton temps soit tout simplement rempli par les réfutations, il t'a été suffisant que tu saches que tel imam a réfuté à celui-là, ou tel homme de science a réfuté à telle personne parmi les gens, et qu'il a dévoilé sa situation. Et il a dévoilé sa situation, son égarement et son innovation. Cela t'est suffisant. Il dit le Cheikh Abdallah. Et frère en Allah, j'ouvre la parenthèse maintenant. Est-ce que vous avez compris maintenant? Il faut qu'on le comprenne maintenant pour ne pas tomber ni dans le laxisme, ni dans l'extrême. Il faut savoir que cette parole que maintenant qui se propage un petit peu partout, que Cheikh Fawzan avertit contre le fait de s'occuper de la réfutation. Que ce n'est pas dans son sens large du terme, l'islam. Que c'est vrai, oui, mais à qui il s'adresse ce genre d'avertissement? Il s'adresse à ceux qui ont rompu leur temps qu'avec les réfutations. La même chose, la parole du Mufti, Hafidhallahu Ta'ala. Et encore, j'attire votre attention. Certains disent, Cheikh Al-Fawzan, il n'a pas de réplique, il ne s'occupe pas de réplique. Est-ce que Cheikh Al-Fawzan n'a pas fait une réfutation à Ramadan al-Bouti sur son livre, La Salafia, c'est tantôt précis? Est-ce qu'il n'a pas réfuté au livre de Qarda ou Al-Halal ou Al-Haram? Est-ce qu'il n'y a pas des livres maintenant qui existent en trois tomes dans lesquels Cheikh il avertit contre certains livres et certains écrivains? Est-ce que Cheikh Al-Fawzan n'a pas mis une introduction à Manhaj Al-Anbiya fi Da'wati ila Allah fi Al-Hikmah wa Al-Aql du Cheikh Rabir, dans lequel il y a des répliques al-Mawdoudi, à Sorour, à Sayyid Qutb, à la Qutbiya et aux frères musulmans? Il ne faut pas que ce genre d'ambiguïté vient s'immiscer dans notre esprit à l'islam. Il faut que nous comprenions la voie de ne plus être dans Allah alim. Il faut que nous comprenions les règles du minhaj. Et regardez, même Cheikh Obeid, Hafidhallahu Ta'ala, dans ce passage, vous voyez qu'il est sévère avec certaines personnes, ceux qui ont fait que leur temps est occupé tout simplement par la réfutation. Pourquoi? Parce que il faut que tout soit équilibré et que on doit aussi avoir l'apprentissage de notre religion et se préoccuper à apprendre notre religion. Et cher de nous dire, wa ana aqulu lakum ana shakhsiyan wallahi ma qara'tu kulla ma katabahu Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala wa hafidha jami'a ulama' al-islam wa sunnati bil islam wa sunnah fi al-hayat wa ba'da al-mamat ما كتبه ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى عن سيد قطب والله ما قرأته كله ولكن فهمته، قرأت بعضه ففهمت البقية، لأن الشيخ ربيع عندي صاحب راية يرفع بها لواء السنة ويذب عنها وعن أهلها، فما رفع ولله الحمد في وجه محارب معادي للسنة إلا عادت هذه الراية منصورة مؤزرة قوية ما لانت ولا هانت، وقد فضح بها ولله الحمد أهل البدع والضلال وأساطين أهل البدع والضلال. فكفاني أن الشيخ ربيع رد على فلان أو أن الشيخ محمد بن عثيمين رد على فلان، كفاني. Il dit, Habibullah Ta'ala, je vous dis une chose, moi personnellement, et la parole de Cheikh Ubay, moi personnellement, par Allah, je n'ai pas lu tout ce qu'a écrit Cheikh Rabi, Habibullah Ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, et préserve tous les hommes de science, hein, et qu'il les préserve avec l'islam, qu'il les préserve avec la sunna, durant leur vie, après leur mort. Il a dit, je n'ai pas lu tout ce qu'a écrit Cheikh Rabi, Habibullah Ta'ala, concernant Saïd Qoum. Et par Allah, je n'ai pas tout lu. Jamais j'ai tout lu, mais j'ai compris. J'ai lu certains et j'ai compris le reste. Car Cheikh Rabi' pour moi est un homme qui porte le drapeau de la Sunna et qui porte le tendard de la Sunna et qui est un grand défenseur de la Sunna, un grand défenseur des gens de la Sunna. Et chaque fois qu'il porte l'étendard de cette Sunna, la louange à Allah subhanahu wa ta'ala quand il la porte devant un ennemi de la Sunna, cet étendard revient victorieux. C'est-à-dire, c'est Cheikh Rabi' qui a l'épreuve avec lui. Et cet étendard revient renforcé. Jamais cet étendard et cette défense de la Sunna affaiblie. Et par cet étendard que lève Cheikh Rabi' Habibullah Ta'ala, il a longé à Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup des gens de l'innovation et de l'égarement ont été divulgués devant la communauté. Les piliers de l'innovation et de l'égarement ont été divulgués et connus sur leur vrai visage. Il dit, ça me suffit que Cheikh Rabi' a réfuté à tel, ça me suffit que Cheikh Al-Utaymin a réfuté à tel, ça me suffit. Regardez cette noble parole de Cheikh, hein? عبيد حفظه الله تعالى. الصنف الثالث من لا يدري عما يجري، فهذا نكون معه ونطلعه على ما وجه به العلماء السنة أساطين الضلال وإمة البدع حتى يكون على بصيرة ولا يؤتى من غرة. هذا هو المنهج الصحيح بارك الله فيكم. Il dit la troisième catégorie de personnes, dire devant les réfutations, dire qu'il y a une personne qui ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Et celui-là, nous devons être avec lui, être de son côté, et lui ramener, lui faire savoir, hein, les réfutations qu'ont émis les hommes de science contre les gens de l'égarement et contre les imams de l'innovation, pour qu'ils soient dans une clairvoyance, et nous devons être de ses côtés, pour qu'ils ne se fassent pas avoir. Et il dit ça, c'est la voie authentique, Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Donc vous voyez, je le répète, devant les réfutations, il y a trois catégories de personnes, comme l'a cité Cheikh Obed ici. Une personne, une catégorie qui a la capacité de réunir entre la demande de la science et le fait d'être au courant de toutes les réfutations, de les lire, etc. Celle-là, on doit la renforcer, on doit l'encourager. La deuxième catégorie, et celle-là, il ne faut pas tomber dedans, ceux qui n'ont aucun souci, ils ne se préoccupent pas de la science, du livre d'Allah et de l'authentique de la Sunna. Leur grande préoccupation, tout leur temps passe sur tel a dit, sur les réfutations. Ceux-là, il faut être sévère avec, il faut les remettre à leur place, il faut qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ne doivent pas négliger l'apprentissage de la science. Et ici, la parole de Cheikh Ubayd Hafidhahullah ta'ala rejoint celle de Cheikh Al-Fawzan qui a émis certains avertissements. Mais il l'a émis à qui? À ce genre de personnes qui négligent la science et qui font que tout leur temps soit que des réfutations. Et la troisième catégorie, personne qui est sur la sunna, mais qui ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Celui-là, nous devons l'encourager, nous devons être de son côté et lui ramener les paroles d'hommes de science, que ce soit au niveau des cassettes, au niveau des écrits, pour qu'il soit au courant de ce qui se passe autour de lui. Yaqul. Wa a'tikum mithalan, al-Sheikh Mohammed bin Uthaymeen. رحمه الله وغفر له وسك واسكنه فسيع جناته. يقول: وهو من تعلمونه لما سئل عن كتب سيد قطب قال: أنا لا أدري عنها، ما قرأت له كثيرا، قرأت أولا أمر إن كنت في الشباب، ومرة قال: كفانا فيها أخونا الشيخ ربيع، أحالك، فهمتم؟ أحالك. وآخر أمره قال رحمه الله: لولا الورع لقلنا بكفر سيد قطب. حدثني بهذا، وأنتم تقولون حدثنا عبيد الجابري، عرفتم اسمي؟ وإلا لا، عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، حفظ الله الجامعة الإسلامية وجامعات أهل الإسلام وصانها من كل مكروه. أنا أقول حدثني الدكتور عبد الله بن زيد المسلم بن العنيزة بهذا الخبر، فأنتم قولوا حدثنا عبيد الجابري قال حدثني عبد الله بن زيد المسلم، وقد فهمتم الخبر. إلدي حفظه الله تعالى جود أن إكزومبل شيخ العتيميين شيخ محمد بن عتيمين رحمة الله عليه. Vous savez qui c'était شيخ محمد بن عتيمين؟ دي شيخ عبد الله. Quand il lui a posé des questions sur les livres de Sheikh Qutb, il a dit: je ne sais rien. J'ai pas lu beaucoup à Sheikh Qutb. Peut-être au début de ma jeunesse, j'ai lu quelque chose à Sheikh Qutb. Et une autre fois, il a dit: notre frère Sheikh Rabi' nous a suffi. Qu'est-ce qu'il a fait Sheikh Ubayd? Et qu'est-ce qu'il a fait Cheikh Al-Utaymin? Cheikh Ubayd de nous dire: il t'a orienté. Il t'a orienté vers qui? Vers Cheikh Rabi'. Il t'a orienté vers Cheikh Rabi'. Vous avez compris? Et la dernière des situations de Cheikh Al-Utaymin, il a dit: si ce n'est le wara, nous aurions dit, nous aurions décrété la mécréance de Sayyid Qutb. Et Cheikh Ubayd de nous dire: il m'a annoncé ceci, et vous devez dire que Cheikh Ubayd Jabiri, vous avez connu mon nom ou pas? Je suis Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri, ibn Abdillah ibn Sulayman al-Jabiri, l'ancien professeur enseignant à l'université de Médine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve l'université de Médine, ainsi que les universités des hommes de l'islam et les pays de l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège de tout mal. Il dit: moi je vous dis que docteur Abdullah ibn Zayd Musallam, il fait partie des gens de Unaïza, m'a annoncé ceci. Et vous dites aux gens: Cheikh Ubayd nous a dit que Abdullah ibn Zayd Musallam lui a dit que Cheikh Mohammed ibn Utaymin lui a dit: si ce n'est le wara', nous aurions aimé la mécréance de Sayyid Qutb. C'est-à-dire décréter la mécréance de Sayyid Qutb. Dans ce passage, frère en Allah, Azzawajal, tu comprends quoi? Tu comprends qu'il y a des hommes de science qui sont les gens de la spécialité, de la réfutation et de l'éloge. Et regarde, qui te le montre ici? Cheikh Mohammed ibn Utaymin, rahmatullah alayh. Cette montagne de science, la valeur qu'il a chez les hommes de science, et regarde, il a dit: notre frère, Cheikh Rabi', nous a suffi. Vous voyez un petit peu la reconnaissance de la spécialité. Et la reconnaissance des hommes de la spécialité, de par les grands hommes de science, ne vous faites pas voir: Cheikh Rabi', il exagère, Cheikh Rabi', ceci, cela. Ceci, c'est tout simplement pour vous détourner de la voie de vos plusieurs dans l'arrière, et de la voie de vérité sur laquelle était et cet homme, Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Yaqul Cheikh Ubayd: فالمقصود أنا أنهاكم يا أبنائي عن الشطط، أنهاكم عن الشطط وأمركم بالرفق، فمن نهاني عن الاشتغال بالردود وترك المسائل العلمية أنا لا أشطط عليه، لا أشطط عليه. إذا عرفت أنه من أهل السنة أعرف أنه يريد نصحي ويريد أن أحصل أبوابا من العلم. اللي إسكي يقولي ها ما أجوز أن تغدي دو باتوجي جوز أن تغدي لفت دو باتوجي et d'aller aux extrêmes. Et je vous ordonne la douceur. Celui qui m'interdit le fait de se préoccuper de la réfutation et du fait d'avoir délaissé la science, celui-là, s'il est connu par sa sunna, je sais qu'il veut mon conseil. Je sais qu'il veut que j'hérite des chapitres de la science. Vous avez compris? Ça, c'est la parole d'un homme de science digne du nom. يقول حفظه الله: نعم، أهل البدع هم الذين ينهون عن الرضون نهيا مطلقا. اتركوا الرضون، ذاعوا عنكم الرضون، فيها مضيعة للوقت وفيها مشغلة عن العلم نهيا مطلقا. Et ils disent certes, les gens de l'innovation, ce sont eux qui interdisent le fait de les réfutations d'une interdiction au sens large du terme. Ils disent délaissez les réfutations, délaissez les réfutations, mettez-les de côté parce que vous allez perdre votre temps avec ça, vous allez vous préoccuper de la science, etc. Donc ils y mettent une interdiction au sens large du terme. Et ça, ce sont les gens de l'innovation qui agissent ainsi. يقول لكن أهل السنة لا ينهون نهيا مطلقا وإن قال هذه العبارة مطلقا في وقت لكن جل وقتي وكثير من وقتي يريد هذا نعرف هذا من حاله ومقاله. Et il dit mais les gens de la sunna n'interdisent pas les réfutations au sens large du terme, et même si des fois ils disent l'expression comme ça au sens large du terme, mais la majorité de leur temps ils ne veulent pas l'interdiction au sens large du terme, car ceci est connu de leur situation ou connu du fait de leur défense de la sunna, et ainsi de suite. Et يقول الشيخ حفظه الله فمثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حينما يقول لتلامذته واهل بلده والمسلمين لا تنشغلوا بالردون حاله ما هو حاله على السنة يقررها ويدعو إليها ويدفع عن أهلها بقدر ما أوتي وقرينة الحال تدل على ذلك في الحقيقة على المقال تدل على المراد من المقال. Et il nous donne un exemple, dit regardez Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh, quand il dit à ses élèves et les gens de son pays et les musulmans, ne vous préoccupez pas avec les réfutations, ces situations c'est quoi? Cette situation, c'est un homme de la sunna, qui enseigne la sunna, qui confirme la sunna, qui appelle vers la sunna, qui défend les gens de la sunna, avec les capacités que Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné. Et ceci se voit, il est clair dans sa situation, il se voit dans ses dires, dans ses écrits. Donc, quand il avertit, il dit aux gens, ne vous préoccupez pas de la réfutation, cela veut dire, apprenez, et que votre temps ne soit pas tout simplement donné, que tout votre temps ne soit pas donné tout simplement à la réputation. La même chose peut être dite de la situation du Cheikh Fawzan et du Mufti actuel d'Arabie Saoudite. يقول الشيخ عبيد حفظ الله فإذا قال لك إخواني بنائي أو إخواني سرور قطبي أو تبليغي لا تشغلوا أنفسكم بالردود إن هذه الردود مضيعة للوقت ومشغلة عن طلب العلم فضع عليه علامة كبيرة ماذا يريد هذا منك؟ يريد أن يروج للبدعة ويمهد لنشرها وتضليل أهل السنة. Il dit, mais quand un frère musulman بنائي de la tendance de البناء يعني إخواني سرور de la tendance de سرور قطبي de la tendance قطبي ou un تبليغي, tu dis ne vous préoccupez pas des réfutations car les réfutations c'est une perte de temps. Car les réfutations te préoccupent sur la demande de la science et tu n'as pas le temps à apprendre. Celui-là, tu te poses une question, une grande question sur lui. Qu'est-ce qu'il veut de toi? Il veut tout simplement propager son innovation. Il vient comme ça pour introduire son innovation et pour égarer les gens de la sunna. يقول حفظ الله فبان بهذا أن الناهين عن الردود أن الناهين عن الردود صنفان من الناس هم أهل سنة وهؤلاء لا ينهون عنها نهيا مطلقا. Et il dit حفظه الله avec ceci il vous apparaît maintenant que ceux qui interdisent les réfutations sont deux catégories de personnes. Une catégorie qui sont les gens de la sunna, et ceux-là, ils ne l'interdisent pas au sens large du terme de l'interdiction. C'est clair maintenant, akhal islam. يقول وصنف آخر هم أهل البدع وهم الذين يطلقون وأهل البدع نعرفهم ونعرف الإخوان المسلمين نعرف التبليغيين نعرف السرورية القطبية ونعرف المتحزبة نعرفهم. فإذا كان الذي نهى عن الردود من هؤلاء نعرفه هذا ليس له عندي كرامة ولا مكانة أنا منتهي منه، لكن من كان من أهل السنة على ما أنا عليه فإن مراده واضح بارك الله فيكم مراده واضح Et il dit, et l'autre catégorie, ce sont les gens de l'innovation, ceux qui imitent l'interdiction au sens large du terme. Et il dit, les gens de l'innovation, nous les connaissons. Nous connaissons ceux de la secte des frères musulmans, nous connaissons ceux de la secte d'établir, nous connaissons ceux de la secte des sororé Qutbi, nous connaissons toute tendance de Hizbi, nous les connaissons. Et ceci, si ils interdisent les réfutations, si l'interdiction vient de cela, on sait pourquoi. Hein? On n'a pas à le prendre. Ils n'ont aucune place chez nous. Ils n'ont aucun honneur chez nous. La situation, leur situation est claire devant nous. Leur situation est très claire. Nous avons fini d'eux. Hein? Mais si c'est un homme de la Sunna qui est sur la même voie que nous, ben on connaît son but. Pourquoi? On sait pourquoi. Son but, il est clair. Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. L'homme de la Sunna et le salafi quand il avertit, et on sait son but pourquoi, c'est le conseil, c'est pour préserver, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous. Et je vais arrêter là aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan.